Smithy. Thank you. tout fait pour connaître ta fille. You will be the first to say yes. Bravo Mike, for your prestation. It was me. C'était cool. super cool même. Et Rémi, il est parti. Mon pianiste préféré. Bon, je vais changer pour ma basse. New. Oh my God, you are so old. What are you about talking? What are you talking about? Sorry. What is PC? Psy. Ah, psy, psychothérapeute. Sure. Oh my God. Didi. Didi, shut up. Oh, Romy, Rémi revient du. Ça arrive souvent. Ça y est, il y a Mike qui ne s'arrête plus. Ou bien, je peux poser une question ? Je ne me rappelle plus. What do you want to burn, Didi? Comfortable motherfucker. Mike, I said always you should et Oub. Adore belle douleur. Question. Je vais être obligée de le dire en micro et ça va être enregistré. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit. Bah, tu peux relire 6 lignes dessus, hein? Comment il s'appelle son frangin? C'est pas ou bien, c'est l'autre. Merde, je me rappelle plus. Ouais, ça doit être ça. Qu'est-ce que j'ai dit ? Pardon. Oups. J'ai fait un truc qu'il fallait pas. You are not shy. No, no, you don't. We will listen to you. Et... trop marrant. You don't. Yes, Mike, don't. LOL, c'est bien. dancing so everybody can follow you. Genre le clown de la soirée. Dancing. Dancing. You can't, but of course you can. Locan. Oh my god, je me suis fait un fou rire. No, nobody. Oh yes, it was there, this Italian. Ah, maybe. Us a smile by undoing. Okay. Je pas pourquoi quand je te vois, Rémi, t'as qu'à changer de prénom, hein. Mais j'en vois. Thank you. up. God bless the travel with me that in the cities of Turkish restaurants and ties right now. disco, disco after disco, checking out how the disco rock. Ma faute, tout ça.